Okay. Donc le thème ce matin, c'est le souverain sacrificateur et sa gloire. Avant de prendre Exode, avant de lire Exode 39, 1 à 43, je vais mettre le cadre ou le contexte. Donc là, ici, on a dans la pensée de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Moïse les instructions sur comment doit être son lieu d'habitation et comment doit se vêtir ceux qui doivent le servir hein, dans le tabernacle. Et il lui donne un modèle spirituel qui est dans les cieux, pour que ce modèle-là soit physique. OK? Et il a donné des instructions. Et là, nous sommes dans la partie de la réalisation de tout ce qu'il a donné comme instruction à Moïse. Et là, ça fait quelques semaines, quelques dimanches, où on parle de tout ce qui est la construction du tabernacle, les trois parties et toutes les composantes. Et ce matin, on va parler du vêtement, hein, des personnes au service de Dieu, particulièrement le souverain sacrificateur. Dans Exode 28, Samuel c'est à quelques virgules près le même passage qu'Exode 39. Parce que la différence, c'est que l'autre, c'est Dieu qui communique sa pensée, et là, c'est la réalisation, comme j'avais dit tantôt. Donc, ici dans Exode, donc on va lire Exode 39, de versets 1 à 43. C'est un long passage, mais on va le lire quand même. C'est bon? OK. Exode 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. Et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or et de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit les lames d'or et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Ils étaient artistement travaillés. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée,

l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel des reins, sa grille des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, l'avait ordonné, et il l'avait fait ainsi, et Moïse l'est béni. Je vais boire un peu d'eau. Donc, ce matin, je vais me concentrer sur la partie des vêtements du sacrificateur et l'autre partie, bon, comme on ne peut pas tout faire, donc c'est là que sera mon focus. Et comme je l'avais dit dans mon introduction, Samuel a déjà, dans Exode 28, a déjà enseigné. Non, Samuel a déjà enseigné. Oui. Oui, Samuel a déjà enseigné sur Exode 28. Et c'est comme une image 3D. Okay? Samuel a parlé d'un aspect. Moi, je vais parler d'un autre aspect. Mais vous pouvez écouter l'enseignement de Samuel sur Exode 28, c'est sur le blog de l'Église. OK. Donc, pour introduire 2 Corinthiens 3, 7. Or, si le mystère de la mort, le ministère plutôt de la mort, gravé sur des lettres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Donc ici, on voit 2 dispensations. La dispensation sous la loi, ou le ministère de la loi, ou le ministère sous Aaron et Moïse, et la dispensation de la grâce, la dispensation sous Jésus. Et où le ministère, comme l'est écrit ici, de l'Esprit. Et ce que la Bible dit ici dans 2 Corinthiens, ce que Dieu dit, c'est que la dispensation sous la loi a été glorieuse. Mais sa gloire n'est point comparable à la dispensation sous la grâce, sous Jésus-Christ. Parlons de gloire. En fait, qui parle de changement de dispensation parle aussi de changement de sacerdoce. Parce que sous la loi, on avait le sacerdoce d'Aaron, hein, et sous la grâce, on a le sacerdoce de Christ. Ce matin, la gloire, c'est un grand sujet, mais on va se focaliser sur la gloire du sacerdoce de Christ. Donc, ce matin, Dieu nous montre par l'habillement du souverain sacrificateur un présage de la gloire et de la splendeur incomparable du sacerdoce de Jésus-Christ. Okay. Donc, l'image que vous voyez ici, c'est ce à quoi ressemblerait l'habillement du souverain sacrificateur. Et là, on voit qu'il est constitué de plusieurs parties. Et là, ce matin, je ne vais pas couvrir toutes les pièces du vêtement du souverain sacrificateur. Je vais couvrir 5. L'éphod, le pectoral. L'éphod, c'est le multicolore qu'il porte là. L'affaire multicolore qu'il porte. Le pectoral, c'est ce qui est au milieu, sur son cœur. La robe bleue, bon, vous le voyez. La tiare, c'est ce qu'il porte sur sa tête. Et puis, la lame d'or, c'est ce qui est ici, sur son bonnet. Oui, c'est ça, sur la tiare. Donc ça, ce sont les points qui seront couverts. Et là, on voit ici, il faut noter que le souverain sacrificateur était le seul à être comme ça. Ça veut dire que dans le peuple, lorsqu'il passait, il savait que c'est lui, le souverain sacrificateur. Donc c'est un accoutrement ou un habillement qui le distinguait du reste du peuple. Donc, la première pièce de l'habillement du souverain sacrificateur, qui est un présage de la gloire du sacerdoce de Christ, est l'éphod. L'éphod fait référence au souvenir perpétuel. Quand on prend Exode 6, 39:6, je le lis pour référence, on entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets, et on les mit sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, les pierres d'onyx étaient ici, sur les épaules, et il y avait les noms des fils d'Israël, 6 à gauche et 6 à droite. Et le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le sein des saints, il entrait avec cela. Et c'était Dieu a donné ça comme étant un signe de souvenir pour les fils d'Israël. Ce qui faisait que lorsqu'il entrait, le souvenir des fils d'Israël était dans le sein des saints, dans la présence de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, le Père. Il est constamment dans le sein des saints. Et étant dans le sein des saints, il porte nos noms sur ses épaules. Le nom de chacun. Ce qui veut dire que le nom de chacun est constamment devant la face de Dieu. Constamment. Donc, nous sommes constamment dans la pensée de Dieu. Ésaïe dit, une mère oublierait-elle le moment, est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos enfants? Je ne pense pas. Mais Dieu dit, même si la mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Donc, ici, l'aspect de la gloire du sacerdoce de Christ que ça met en évidence, c'est que ceux qui sont gravés, ceux qui sont rachetés par Christ, sont constamment, leur nom figure constamment devant la face de Dieu. Amen. Le pectoral, c'est qui mettait sur la poitrine ici. fait référence à un amour perpétuel. Et là, Exode 39, 14, il y avait 12, il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune plutôt avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc, le souverain sacrificateur portait là sur son cœur, et quand on lit Exode 28, on voit encore plus de détails par rapport à ça. Il mettait sur son... En fait, il faisait parce que Dieu voulait que le souverain sacrificateur porte sur son cœur les 12 tribus d'Israël quand il entre dans le Saint des Saints. Ces 12 tribus-là, les noms étaient sur des pierres précieuses. On en a lu la liste. Donc, chaque nom est attaché à une pierre précieuse. Chacun est précieux aux yeux du Seigneur. Chacun est précieux, à la même valeur, mais précieux aux yeux du Seigneur. Et chacun est sur le cœur du Seigneur. L'amour de Dieu pour chacun est pleinement manifesté. Et ça ne se fait pas une fois par an lorsque le souverain sacrificateur était dans le Saint des Saints, mais c'est pour toujours que l'amour de Dieu, l'amour de Christ, le souverain sacrificateur, pour les rachetés, est pleinement manifesté, est en permanence dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il intercède jour et nuit pour nous. Sans cesse. Donc ça, c'est le deuxième, la deuxième pièce. Toujours la deuxième pièce. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Toujours la deuxième pièce de l'habillement du souverain sacrificateur qui est un présage de la gloire du sacerdoce de Christ, c'est l'urine et le thummim. Et dans Exode 30, il est écrit, tu joindras au pectoral du jugement l'urine et le thummim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et l'urine et le thummim, en fait, signifient, selon la tradition hébraïque, lumière et perfection. Donc ici, grosso modo, ça permet, lorsque le souverain sacrificateur voulait savoir c'est quoi la direction que Dieu a pour son peuple, il consultait Dieu et en fonction de la réponse, ces deux éléments-là donnaient la réponse de Dieu, donnaient la direction que le sacrificateur devait communiquer au peuple. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la voie par excellence de Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La Bible dit dans Hébreux 1 que, après avoir parlé à plusieurs fois et de plusieurs manières à nos pères, Dieu parle aujourd'hui par le Fils. Donc Jésus-Christ, comme l'urim et le thummim qui servaient à donner la direction de Dieu pour son peuple, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Encore une fois, un autre aspect de la gloire du sacerdoce de Christ. L'autre pièce de l'habillement du souverain sacrificateur, qui est un présage de la gloire du sacerdoce de Christ, c'est la robe de l'éphod. Dans Exode 39, 22 à 26, on ne voit pas très bien ce point-là, mais lorsqu'on prend Exode, lorsqu'on le combine avec Exode 28, 35, on le voit. Quand on prend Exode 28, 35, la Bible dit, « Aaron s'en revêtira, parlant de la robe de l'éphod, pour faire le service. quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son de la clochette et il ne mourra point. Donc, c'était donné comme signe pour dire que le souverain sacrificateur, en fait, la mort n'a pas d'ascendant sur le souverain sacrificateur. Comme Christ qui a vaincu la mort. Il est toujours vivant et il est vivant. L'autre pièce de vêtement du souverain sacrificateur qui est un présage de la gloire du sacerdoce de Christ, c'est la lame d'or pure. Ce qui était mis ici. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs offrandes. Elle sera constamment sur le front d'Aaron pour qu'il leur soit favorable. Donc, le peuple est pécheur. OK? Et il mérite le jugement de Dieu. Mais, parce que Aaron porte sur son front sainteté à l'Éternel, eh bien, Dieu ne frappera pas le peuple à cause de ça. Donc, le peuple était sanctifié à cause de ça. Le peuple qui n'avait pas la faveur de Dieu, à cause de cette lame où était écrit « Sainteté à l'Éternel », eh bien, recevait la faveur de Dieu. C'est ainsi avec le sacerdoce de Christ, hein, comme dit Hébreu, « Entrer avec assurance devant le trône de grâce ». En principe, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Mais à cause de Jésus-Christ, le jugement de Dieu ne s'abat pas sur nous. Et nous sommes favorables à Dieu par Jésus-Christ. L'autre pièce du vêtement du souverain sacrificateur, hein, qui est un présage de la gloire du sacerdoce de Christ, c'est la tiare et le bonnet, hein, ce qui posait sur sa tête. Et là j'ai mis deux versions pour comprendre le sens. La première version, c'est Louis II. On fit la tunique de fin lin tissée par Aaron, pour Aaron plutôt et pour ses fils. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure. Les caleçons de lin de fin lin retors. Et quand on prend la version Luc 2:21, voici ce que la Bible déclare. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang. Donc, la parure, la tiare et le bonnet étaient pour marquer l'honneur de leur rang. Et Jésus-Christ, et Dieu a glorifié Jésus-Christ. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, fléchisse. Hein? Il n'a été donné de nom par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est Jésus-Christ. Donc on voit ici que Dieu honore, ici, à travers la tiare et le bonnet, a honoré le souverain sacrificateur, de même qu'il a fait pour Jésus. Assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc ici, ce qu'on a vu, ce sont certaines pièces du vêtement hein, du souverain sacrificateur qui constitue le présage, hein, l'ombre des choses en ce qui concerne la gloire du sacerdoce de Christ. On a parlé de l'éphod, qui fait référence au souvenir perpétuel. On a parlé du pectoral, à l'amour perpétuel et au fait que Christ est la lumière, le chemin. La robe d'éphod, qu'il est vivant. La mort n'a point eu raison de lui. La tiare et le bonnet, qui est un signe d'honneur et d'élévation. Et puis la lame d'or pur, qui est un signe de sainteté et de faveur. Alors aujourd'hui, quelle est notre part là-dedans? Notre souverain sacrificateur, okay, Jésus-Christ, on a vu ici la gloire de son sacerdoce. Et la Bible dit dans Apocalypse que les croyants constituent un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Alors, quelle est notre part dans ce sacerdoce glorieux de Christ? Donc, on a parlé du ministère de la mort, du ministère avec le sacerdoce d'Aaron qui est, on l'a vu, ça a été glorieux, mais bien moins que la gloire du sacerdoce de Christ. Alors, quelle est notre part? Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant, puisque vous savez en quel moment nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce que Dieu dit, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du caractère de Christ. Et là, on voit avec le sacerdoce de Christ que il est permanent. Le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Mais avec le sacerdoce de Christ, c'est en permanence. Donc nous sommes appelés à revêtir Christ en permanence. Revêtir le caractère de Christ en permanence. Revêtir Christ, c'est aussi prendre part à ses souffrances. Parce qu'il dit que l'élève, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Là, bon, je paraphrase ce qui suit. Tel qu'ils m'ont traité, c'est comme ça qu'ils vous traiteront. Et ce qui me marque beaucoup chez les disciples, c'est que lorsqu'ils étaient persécutés à cause de Christ, ils étaient heureux. Ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient part aux souffrances de Christ. C'est ça aussi revêtir Christ. Mais pourquoi ils étaient contents? Parce qu'ils avaient conscience de la gloire qui est attachée à ce sacerdoce-là. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation, à la gloire, à l'héritage. Prendre part aux souffrances de Christ, c'est vrai qu'il y a, il y a des endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés, hein, meurent pour Christ. Mais ici, c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, mais il y a une autre forme de persécution à travers de ce qu'on entend, à travers ce qu'on voit. Souvent même traité de fou. Une fois, j'écoutais quelque chose à la radio et l'animateur disait que c'est déséquilibré. Ces personnes qui sont là à parler à un être invisible sont déséquilibrées. Ça fait mal entendre ça, mais c'est aussi ça, prendre part aux souffrances de Christ. Parce que Christ aussi a été humilié. Il a subi l'ignominie. Mais il a supporté ça en vue de la joie qui lui était réservée. Donc, pour celui ou celle qui n'a pas pris position claire pour Christ, c'est un appel à prendre position claire pour Christ. Si tu veux avoir part à ce sacerdoce glorieux. Mais pour les personnes qui ont pris position claire, c'est un encouragement. Un encouragement à persévérer, de revêtir Christ, son caractère et aussi prendre part à ses souffrances. Et en attendant le jour du Seigneur, ce jour glorieux. Amen.